Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchante la tête. Ah bah oui, mais pas trop. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le club VIP. On vous accueille, vous auditeurs, vous êtes ici chez vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des coms à lâcher, c'est au 0622 69 18 19. On aime bien le donner d'entrée de jeu. Et puis pour vous égayer ce vendredi et puis ce samedi, puisque vous savez, on vous accompagne ce week-end, eh bien nous avons un sommaire ma foi bien croustillant, un sommaire chargé, un sommaire que seule la voix élégante et suave de Léna peut nous restituer et vous restituer dans vos oreilles. C'est parti. Alors aujourd'hui nous allons retrouver le sondage, la sonore chronique avec le DVD test, les prénoms à souhaiter. Et ensuite le canular et aussi le journal de la rédaction. Mais bien sûr, tout ça condensé pour cette première heure, c'est dire que vous allez avoir beaucoup d'émotions dans la radio, à travers les ondes d'Estival. C'est le 107.4, c'est également internet www.station-milium.com ou tout simplement estivales.fm.free.fr, tout simplement. Le VIP. La musique, c'est une nouveauté, c'est Gigi Gilmour, If You Don't Give Me Love, c'est le titre exact. If you don't give me love, I don't know what I'll do. I don't think I can cope. I don't think I'll pull through. Enough of all the hype. My head's up in the clouds. I can't see wrong from right. I don't fit well in crowds. I spat it out to you, but where's the truth in words? If you don't give me love sur l'antenne d'Estival FM sur le 107.4. Club VIP. Le Club VIP, c'est également des chroniques interactives avec vous les auditeurs, vous de la plage, les estivants comme on les appelle. Puisque Léna, notre chroniqueuse de choc, va sur la plage régulièrement pour tout simplement vous sonder, voir un petit peu tout simplement vos passions, vos thèmes favoris de cet été. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler sondage, évidemment. Oui. Et ça sera juste après une musique. Est-ce que tu peux nous en donner un aperçu, comme à chaque fois, comme à chaque avant-titre, pour allécher finalement, en quelque sorte, nos auditeurs? Les coins qu'on aime visiter. Les coins qu'on aime visiter. Vous allez tout savoir. Et c'est d'ici un titre. DJ Porny, Miss So Horny. Le titre où on se demande s'il parle en français ou pas. Voilà, ça c'est le grand sujet, le grand débat à la radio. Peut-être qu'à la fin de la chanson, on va vous donner la réponse. Moi, je pense qu'il chante en français. Certains sont partagés, ils pensent que non, que je fais une erreur. Alors, auditeurs, soyez attentifs. On balance le titre. Moi, je pense quand même que c'est francophone, tout ça. Pas tout, hein, mais une partie. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. Run the jungle, and them off it, try you. Run the jungle, and we like how we met before. Makes you wanna dream away and fall in love. She drags you in, not afraid. Everything feels like me. What's wrong with you? Don't let her go. Hurry, boy, it's waiting. One day love to drag me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Carl Wolf sur l'antenne avec Africa. Tu veux suivre Estival en permanence? Ah oui. Estivales.fm.free.fr. Ça c'est Estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Bah, let's go alors. Nous sommes en compagnie de Léna et de Jack moi-même pour vous accompagner pour cet été 2007 qui s'annonce bien chaud avec plein de bonnes petites chroniques radio en perspective. Croustillantes comme on aime bien le dire ici, effectivement ça va être nickel chrome pour vos oreilles. Ouais, alors on parle sondage aujourd'hui, alors on a une chronique ici, c'est Léna qui va sur la plage un petit peu, micros en main, pour vous sonder, savoir un peu ce que vous avez retenu de cet été et puis ce que vous aimez bien. C'est en quelque sorte le sondage chaufferesse CSA Léna, made in Léna. C'est parti, c'est l'experte. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre experte. Je suis allée poser la question hier, quel était le coin préféré donc, des Pérousiens et des vacanciers à visiter. Donc en premier, on m'a dit les Sept-Îles. Ah ouais. Bah oui, très Trestignel avec son circuit balnéaire. Et en troisième position, la vallée de Traouillero ou alors le sentier des douaniers. En trois. Ouais. Donc ça, c'est le sondage qui nous pronostique, qui nous plébiscite l'île aux oiseaux en quelque voilà. sorte. Voilà, donc si d'accord. vous pouvez aller visiter l'île aux oiseaux, c'est super sympa. Vous prenez la navette. Mais non, il y a une... Oui, une navette maritime. Une navette maritime, c'est sympa. Vous faites un petit tour sur la mer et puis vous visitez des îles. C'est joli. Bon, bah c'est le choix coup de cœur en tout cas des vacanciers au niveau du sondage. Léna s'offrait CSA. Nous allons attaquer. Festival. Nouveau son. Avec Summer 2007. Son, Summer 2007. C'est Alex Godino, oh. Kepasa. Blow a fuse, cause boy, I got a hook on you. Now do ya think we're through ya? Now take a little time, cause brother's gotta work it out. I don't just tell me how it is. I'm making you my business.

Vega à l'instant, You Gonna Want Me. Sacré bon titre sur la radio estivale. On vous gâte quand même. On vous offre le meilleur de la musique, tout simplement. You Gonna Want Me, c'est pour vous accompagner quand même pour ce week-end. Et on est prêt à faire péter en quelque sorte la discothèque, puisque nous avons un certain nombre de titres pour vous faire danser. Et je vois que Léna n'est pas la dernière. Oui. Léna dans les studios qui nous accompagne donc pour cette émission qui est un peu la voix suave de la radio. Oui, c'est moi. Ou la voix oui, dynamique. Oui, c'est ça. Si tu veux, si tu veux. Ce qu'on nous a dit également. Alors, petit point sur le programme. Alors, Léna. Pour le programme, nous avons la Summer Chronique avec le DVD test qui arrive. Ouais. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça le DVD test. Et tu sais ce que c'est le DVD test ? Le DVD test, c'est quand tu analyses et tu décortiques le DVD, je crois, c'est un truc comme ça. Ah mais c'est impressionnant, hein. Tu connais toutes les rubriques par cœur, toi. Bah heureusement. Tu vas avoir une médaille dans le club VIP. C'est vrai. Ah ouais, c'est sûr. Si vous voulez réagir, nous donner par exemple des titres, hein, parce que c'est le week-end, donc on a besoin de passer un max de bons titres en perspective. Et chez auditeur, vous avez toujours des bonnes idées. Donc n'hésitez pas à intervenir sur la ligne, c'est le 0622 69 18 19. Pulse. C'est Pulse Festival. Eric E pour la musique The Beat is Rocking. The Beat is Rocking sur Estival FM. Estival FM, ça pulse. Mais ouais, ça pulse. Ah ouais, ça fait plaisir. Nous sommes donc de retour en votre compagnie, Léna, Jack et moi-même. Et bon, tout simplement, ce déploiement de musique qu'on appelle ici le... Je te le donne en mille, le club VIP tout simplement. Allez, rentrez, vous êtes les bienvenus. Non, faites pas vous mijaurer, les auditeurs. Allez, rentrez, rentrez, on vous accueille. C'est gratuit. Bah oui, c'est bien. Il faut le dire. Nous avons, d'ailleurs, nous avons une petite suggestion à vous faire, là, tout de suite. Ça va être le... DVD test. Ouais, c'est la Summer Chronique. Alors, tu l'as dit toi-même, je, en quelque sorte, décrypte des films. Décortique, ouais. Alors, je te laisse le choix entre deux films. Tu vas un petit peu dire pourquoi tu vas choisir l'un plus que l'autre. Si ça se trouve, tu les as vus ni l'un ni l'autre. Je te propose le choix entre Racines du Mal, Les Racines du Mal, que tu n'as sûrement pas vu, qui est un navet pas possible, et Twin Peaks, Fire Walks With Me, que là, pour le coup, pas un navet. C'est comme tu veux. Un navet pour rigoler, vu qu'on est vendredi. Je m'en doutais. C'est bizarre, quand j'ai dit le mot navet, je me doutais que t'allais choisir celui-là. Bah oui. Parce que t'as l'esprit joueur aujourd'hui, donc... Nous allons écouter tout cela. Je donne une note à la fin du DVD test hein, pour quand même vous dire s'il faut l'acheter ou qu'il faut pas l'acheter. Donc écoutez Les Racines du Mal. DVD test. On passe sur le grill un DVD. Moteur, s'il vous plaît. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du film Les Racines du Mal, sorti en 1992 et réalisé par Gary Graver. Bon, déjà, à première vue, le nom du film ne vous dit rien. Et je suis sûr que le réalisateur, Gary Graver, bah, ça vous évoque pas grand-chose non plus. Mais comme disait ma grand-mère, il faut manger de tout, même quand on connaît pas. Alors on y va. Attaquons l'histoire. Jack Osborne est un flic alcoolique et dépressif qui a perdu sa femme et qui cherche du réconfort dans l'alcool. Fais ma tournée, Jack. Ouais, si tu veux. Mais voilà, à Hollywood, quand on est policier, on n'a pas le temps de ruminer. Surtout quand un serial killer court les rues en chasse de jolies blondes, n'hésitant pas à leur trancher des doigts et parfois pire. Là, Jack s'énerve et reprend du service. Comment va ton doigt ? Ah, ils l'ont bien recollé. C'est toujours ça. Mais ils disent qu'il sera sûrement plus utilisable, enfin, en tant que doigt, quoi. Ça aurait pu être pire. Ouais, il aurait pu me couper la tête. Ça aurait pu finir comme la fille dans l'impasse. Fais-moi plaisir. Prends quelques jours de vacances et quitte le trottoir un peu. Qui t'est converti en bon samaritain. Mais qu'il est gentil ce policier. Enfin, dans cette histoire de serial killer, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu. Bah oui, c'est le serial killer. Pourtant, c'est quelqu'un de sensible qui appelle sa maman dans les moments difficiles. Allô ? Raccroche pas, mange, t'en prie. C'est moi, j'ai besoin de t'entendre. Quoi, tu veux m'entendre ? Résidu de fausse couche. Je crois t'avoir dit l'autre jour de ne plus m'appeler sur ce téléphone. En fait, d'ailleurs, sur aucun autre. Écoute, je suis dans la merde, moi. Je t'arrête tout de suite, t'entends pas un sou. Je me fous du fric, je veux juste te voir. Primo, faudrait que je veuille. Et Deuxio, qu'est-ce que tu veux que je dise, un débile mental ? Elle est pas très gentille. Je résume, un flic sur le retour, des jolies blondes, un serial killer attardé. Et oui, vous ne rêvez pas, vous avez les ingrédients d'un bon navet américain, servi avec du sexe, de la violence, le tout à volonté. Comme c'est la tradition, je donne une note, ce sera 5 sur 20. Ah oui, c'est dur, mais c'est nul. Bon, attendez, je mets 5,5 parce que de temps en temps, il y a des citations de Kafka. Et dans ce genre de film, bah, ça fait pas de mal. Tu vois, Tina, Kafka a dit « Nous n'avons pas seulement péché parce que nous avons voulu goûter à l'arbre de vie, mais aussi parce que nous avons surtout refusé l'arbre de la connaissance. » C'est beau, Kafka. Le problème, c'est que des fois, à côté de Kafka, on a ce genre de dialogue. Tina, attends. Si tu vois ou entends quelque chose, tu me le fais savoir à ce numéro. C'est un bar où je vais souvent. C'est dégoûtant, mais t'as pissé dessus ou quoi ? Ça, c'est sûrement quelqu'un qui l'a fait, je l'ai trouvé par terre. De la poésie, je vous le dis. Enfin, 5,5, c'est bien mérité. Allez, à bientôt pour un prochain DVD sur le grill. C'était DVD Test. DVD Test. Le VIP. Yeah. Eh ben, c'était Daddy Yankee Impacto sur l'antenne. Vous écoutez le club VIP, tout simplement. Et encore, je dis tout simplement, c'est quand même sacrément une bonne émission. Donc nous allons attaquer la suite du programme avec Léda qui va vous expliquer un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Moi je sais d'avance qu'il y a des bonnes chroniques à venir, toutes chaudes, toutes croustillantes sorties du four. On a un four à la radio, hein, c'est vrai, ça nous permet comme ça de les faire toaster à point. Et je peux vous dire que quand elles arrivent dans vos oreilles, bah, aucun grand chef ne pourra s'en dédire en quelque sorte. Qu'est-ce que nous avons donc dans la suite du programme ? Alors, on va retrouver le journal de la rédaction. Le journal de la rédaction avec les news insolites. Eh ouais, les news insolites, c'est bien sympathique, surtout quand elles arrivent comme ça direct dans vos oreilles. Et il y en a eu des pas mal qui sont tombées. Ouh, là, j'ai vu. Elles sont belles. Hein. Vous les avez peut-être entendues là, il y en a encore qui viennent de tomber là à l'instant. Ça a fait pouf. Oui. Non mais c'est comme ça, la radio, on est interactif, on essaye de réagir très rapidement à toute l'actualité. Pour la musique, on part sur les dance floors avec Steve N. King, le titre c'est Boons. À l'instant, c'était Stephen King. Stephen King, le titre c'est Boons sur l'antenne d'Estival. Toujours dans cette bonne ambiance bien sympathique. J'espère que vous êtes à l'écoute, toujours très attentif. Club VIP. Et la musique est partie avec son flow maximum là, puisque vous le savez, c'est le coup d'envoi du week-end, donc on aime bien comme ça vous donner. On passe en puissance millénium. Ouais, on vous donne le meilleur. Ouais. Tout à fait. Et pour l'heure, bah, tu sais ce qu'on va retrouver là normalement, Léna. Le journal de la rédaction. Oui, c'est vrai que nos équipes de rédacteurs en chef ont mis des semaines à écrire. Et le voilà, ici. Oui, je sais. Oui, ils sont arrivés tout à l'heure en fait. C'est le boom qu'on a entendu. Là. C'est la dépêche qui est tombée sur ton bureau en fait. Voilà. Il y en a encore une autre. Oh là là, il y en a deux aujourd'hui alors. Bon, allons-y. Ouais, il y en a deux. C'est parti, c'est le journal de la rédaction. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Un petit chat qui prédit l'avenir et Washington des astronautes. Voilà pour donner un petit peu l'envie d'écouter. Voilà. Le petit chat n'est pas mort. Ouf! Mais il sait qui va mourir. Le petit chat est âgé de 2 ans. Il n'est pas noir mais tigré et blanc. Il a été adopté par le personnel d'une unité de soins de gériatrie, c'est ça? Oui. À New York. Il a aussitôt révélé une tendance plutôt morbide à déceler quel patient serait le prochain à s'éteindre. Selon le gériatre de l'hôpital, Oscar fait ses rondes régulières, renifle les patients. Ses prévisions se sont révélées jusqu'à présent très exactes. Oui, alors en fait, je vais expliquer un petit peu, parce que cette dépêche, elle est quand même drôle, c'est que le chat se met à côté du patient. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que les infirmiers, le docteur et les infirmières se mettent en panique, genre au secours, il va mourir, T'es dans la merde, c'est ça. Voilà. Genre le chat arrive, tu le regardes, tu es dans la merde. Et donc tout le monde commence à paniquer, ils appellent la famille. Oh là là. Et le temps que la famille arrive, la personne meurt. Mais alors les patients, ils doivent avoir peur du chat. Bah oui, moi mais je dégage, je reste pas à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu fais? Elle est énorme cette dépêche. Franchement, elle est tombée ce matin, mais elle est énorme. Ah oui, parce que c'est impressionnant. Oui. Ça veut dire que ce petit chat, quand même, il fait peur. Mais non, mais il est aimé en plus. Ah oui, il est aimé parce qu'en même temps, ils savent comme ça voilà. Sur quel patient intervenir au plus vite. Parce qu'il mais va y avoir apparemment, il a pas encore fait le 3e étage de l'hôpital. Ah bon? Ouais. Il aime pas cet étage-là, ils sont tous en trop bonne santé, voilà. C'est ça. Washington, des astronautes américains ont été autorisés à effectuer des missions spatiales alors qu'ils étaient en état d'ivresse. Et ouais. L'enquête de la NASA. De la NASA a indiqué avoir révélé une consommation importante chez les astronautes, mais l'agence spatiale américaine n'a pas fait de commentaires. Et qu'est-ce qui se passe alors là-haut? Et en plus, apparemment, il y a un satellite qui a été envoyé il y a pas longtemps et sur lequel il y a eu un petit problème technique. Et apparemment, c'est volontaire, donc. Qu'il y a eu un problème technique? Oui. Bon, donc, pourquoi pas? Apparemment, c'est ces astronautes-là qui auraient réparé le. De façon volontaire, ils ont fait volontairement une faute. Oui, bah oui, ils étaient bourrés. Mais en fait. C'est malheureux quand même. Apparemment, dans l'espace, tu prends même à mon chéri, pour pas citer la marque, mais ça fait énormément de. Des faits, je dirais. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec la pesanteur, tout remonte un peu. Comme on dit, ça déjante la tête. Voilà, ça déjante la tête. Bon, bah, des news très insolites aujourd'hui, ah, hein, oui, effectivement. Bien, en rappelant tout de même que l'abus d'alcool est mauvais pour, la, pour santé. La santé. Et puis également, surtout, fait très mauvais ménage avec la conduite. Oui, c'est pour ça qu'on a pris cette dépêche pour bien rappeler que l'alcool n'est pas bon. Mais ça, on ne le dira jamais assez. Et c'est vraiment un fléau. Il faut le boire avec modération. Jing puissance millénium parce que on décolle. Je vous fais. Oui, il y a des news. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Le programme Cap Armor. C'était voyons. Tellement dense l'actualité. On passe vrai. Avec le programme estival Cap Armor. Donc, c'est les activités gratuites que vous pouvez faire sur la côte de Granit Rose et notamment surtout dans notre belle station de Perros-Guirec. Alors, c'est les œufs décoratifs de 14h à 16h, le tournoi de volley à Saint-Guirec, donc sur la plage de 14h à 16h. Pour la soirée, c'est balade sur l'Argentilaise avec de 17h à 19h30 et ensuite c'est du tennis de table de 17h à 19h. Bien. Voilà. Pour le week-end, il y a chasse au trésor, skate contest, tournoi de badminton pour la soirée à Ker Abraham et le dimanche, c'est tournoi de volley à Trestraou de 14h à 17h. Et bah bon week-end sportif. D'accord, donc faut vraiment rappeler le skate contest qui est une activité fort sympathique. Thomas Est-ce va que nous Thomas en parler. Peut nous en parler rapidement parce que Thomas est le spécialiste ici et il a rencontré l'organisatrice Amélie. À moins que tu le fasses être dans ta chronique sport. Enfin, si tu peux juste nous en dire un mot. Viens, viens, Thomas, cours, cours. Allez, on y va. Parce que c'est important quand même de dire quand il y a des manifestations sportives qui se passent comme ça. Qu'est-ce que c'est le skate contest en fait, Thomas? En fait, c'est. On va dire c'est une fête du skate, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on paye 3 euros pour la participation. Ouais. Et suite de ça, les skateurs font des figures, enfin font des espèces de shows. Et à la suite de ça, il doit y avoir un prix, etc. Exactement. Ouais, c'est vraiment un contest, quoi. Voilà, exactement. Un tournoi, une sorte de tournoi. Exactement. Et ça, ça a lieu à partir de demain. Ça a lieu demain, tout à fait. Donc, de 10h30 à midi, c'est pour les moins de 12 ans. Ouais. Et ensuite, à l'après-midi, de 14h à 20h, c'est pour les plus de 12 ans. Ça va être excellent. Ouais. On monte à la puissance millénium, là on va attaquer Martin Solveig, Something's Better, on l'attaque. Estival, Estival. Puissance millénium. Ooh, my darling, I'm thinking about how my life has changed, me and you. Our passion, sensation, I feel like I'm a different man now. So strong for too long. I've been searching for a girl like you. Change it all. Cause since I found you, really made it better. Maroon 5 sur l'antenne. Le titre, c'est Make Me Wonder. Vous écoutez le Club VIP avec Léna, avec Jack. Club VIP. Et ouais, ça se passe bien. Et bah ouais, pourquoi ça se passerait pas bien sur l'antenne? Mais ça se passe très bien. Léna, donc, dans les studios, qui est là, qui vous prépare des chroniques comme ça et... Oui, le relax réflexe d'aujourd'hui. Et là, effectivement, elle est en train de préparer une chronique, ma foi, sympathique sur... comment être bien physiquement, hein, c'est en bien ça ? En 2 minutes. En 2 minutes, on va dire donc. Non, c'est comment être jolie en 2 minutes. Jolie en plus. Même pour les garçons, ça marche ? Non, ça marche pas pour les garçons. Ah, c'est spécial. Ouais. Non, mais attends. Je regarde juste la photo parce qu'il y a des photos à la radio de tous tes relax réflexes. C'est un garçon qui est en photo, non ? Non, c'est une fille qui a les cheveux attachés. Tu rigoles. Tu es de loin, tu n'as pas tes lunettes, c'est pour ça. C'est une fille. Elle a un profil un peu masculin. Bah c'est pour ça qu'on la maquille. D'accord. Ouais, d'accord. Un peu plus. On va essayer de la féminiser. Bah tu vas nous donner ce conseil donc pour féminiser la féminité en quelque sorte. Nous allons attaquer avec la suite et toi-même tu sais dans la radio Léna ce que nous allons retrouver. Je crois que c'est le saint du jour. Ah, enfin on va savoir à qui fêter sa fête aujourd'hui. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est le prénom à l'honneur et pour bien attaquer quand même ce début de week-end. Je vous propose Niels Van Gogh Enya Poulvourtourm 2.0, c'est le titre exact. C'est pas tu mal l'as quand très même. Bien dit. Ah ouais, mais tu le désannonceras quand même. C'est un peu la patate chaude de la radio ce titre. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. Bah, c'est parti alors. Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. L'instant, c'était le titre. Alors, le titre du jour, Niels Van Gogh, Enya Poulvourtourm 2.0. Je sais pas si c'est le titre exact, mais en tout cas, ils ont choisi dans la facilité sur l'antenne d'Estival. J'espère que tout se passe bien chez vous. On va vous quand même rappeler le numéro SMS pour nous envoyer des textos, nous textoter, tout simplement pour que vous nous puissiez nous faire part des titres préférés. Vous savez que la plupart des titres qu'on passe, vous nous les envoyez par texto, hein. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Vous faites en quelque sorte la prog, sauf le titre précédent, hein, puisque c'est une nouveauté complètement nouvelle, dirais-je, hein, pour faire une redondance. Il y a encore des news qui sont arrivées, on vous en fera part d'ici peu. Et dans le studio m'accompagne Léna, avec le sourire, radieuse aujourd'hui. Oui, il va nous présenter le saint du jour, c'est ça? Voilà, on va voir le saint du jour, alors un prénom à l'honneur. Et Léna fait pas seulement que annoncer le prénom, hein. Il y a plus que ça. Il y a la caractérologie aussi. Voilà, et la caractérologie, c'est tout simplement l'étude psychologique du prénom. Ouais, rien que ça. Ah ouais, ça impressionne, hein. Dans le studio, le public, les participants sont satisfaits. Aujourd'hui, un prénom à l'honneur. Je vais tout simplement te mettre le générique parce que tu sais que tu as un générique. Ça s'appelle le générique du saint du jour avec Léna en live sur le prénom. Saint du jour, un saint à l'honneur. Aujourd'hui, nous allons fêter la fête à Samson. Donc, bonne fête, Samson. Bonne fête. Il y a toute une histoire avec Samson. Hein. C'est vrai? Tu la connais? Bah ouais. Tu peux nous la raconter? Maintenant, je vais te laisser faire. C'est toi, c'est ta chronique. Moi, je veux pas. Non, moi, je fais juste la caractérologie. Vas-y, commence si la caractérologie. Moi, je te raconte l'histoire. D'accord. Juste le temps de chercher sur Internet, en fait, c'est ça. Hein. Donc, les Samson, vous êtes discrets, mais vous avez une grande acuité du jugement. Vous êtes très très patient. Le seul point négatif qu'on peut vous reprocher, c'est d'être fataliste. Ah oui, fataliste. Ouais, ils sont fatalistes, les Samson. C'est bon. Dommage. Bah, alors, tu as notre petite anecdote sur Samson? Bah, si tu veux, bah, enfin, je connais tout. À cette époque de l'histoire d'Israël, certaines tribus sous la domination des Philistins, je me rappelle comme ça, oui. Samson est le fils de Manao, en quelque sorte, si tu veux. Tu lis de la tribu bien. De Dan. Mais non, je me rappelle, c'est dans ma tête. La femme de Manao était stérile pourtant, et elle a quand même accouché de Samson, tu vois. C'est un miraculé en fait, Samson. Voilà, et tu veux savoir comment il est mort? Vas-y, tendu. Attaquons tout de suite là-bas. L'épisode le plus célèbre est la séduction de Dalila, donc qui était une ennemie, hein, qui a été séduite finalement. Et Samson, alors il est mort enfermé par ses ennemis. Il est sorti du cachot et pour divertir ses ennemis lors d'un sacrifice, alors que ses cheveux ont commencé à repousser. Ah oui, bah voilà, ça y est, je sais. C'est quelqu'un qui a une longue chevelure, Samson. C'est oui. Ça le truc. C'est pour ça qu'il est connu. Et il est mort en divertissant ses ennemis, tout simplement. D'accord. Sur le palais des sacrifices. Si tu veux plus d'infos sur Samson, tu peux me demander. Moi, je suis incollable. Black Runner, This Party Started. I wanna have a party all night long. That will be never break it down. I see myself on the yacht, baby. All day long I want the sun on me. You do know what I need. To have a party as Prince of Wally. Do you believe that I'm a freak? To look at the girl on the beat. And you will know what I say. She make the party on the music. Jump on, move on, and get down. Keep the rhythm and move around. I like this feeling, come on, come on, come on. I wonder all the girls in my song. Do you want to get this party started now? Sound on me, you do know what I need. Have a party as Prince Hall Wallet. How long can you go? Everybody in the place to be. Are you ready to have some fun with us? Well, then. C'est le Club VIP que vous écoutez dans cette bonne ambiance chaleureuse avec tous ces animateurs, son animateur Léna la sourieuse. Et oui, la souriante. La sourieuse. Ah, elle est beau aussi là. Estival FM, estival.fm.free.fr, ça c'est le site internet si vous voulez nous écouter en live depuis partout dans le monde, tout simplement. Oui. Parce que ça, c'est des choses qu'on sait faire, nous, à la radio. Non, mais pendant son petit déjeuner, c'est pas mal. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Nous allons attaquer avec la suite du programme et qu'est-ce qu'on va retrouver dans la suite ? Bah, le canular. Le canular. Mais bah tout oui. À fait. Oh, le canular. Donc, on va appeler quelqu'un, on va canulariser quelqu'un. C'est encore quelque chose de périlleux, ça, la radio. On le fait c'est plus risqué, beaucoup. Hein. C'est dangereux parce qu'il suffit que la personne soit pas d'une humeur très joueuse non, pour qu'elle qu'on nous envoie bouler. On est vendredi, c'est la fin de semaine. Voilà. On est un peu fatigué, on va bien rigoler. Voilà, nous on n'est pas fatigué, on n'est jamais fatigué. Non, on n'est jamais. Mais la personne, le Sanson qu'on va appeler, peut-être qu'il est fatigué parce qu'on va devoir appeler un Sanson. C'est un peu l'objectif puisque c'est la fête des Sansons. Samson, comme on le dit si on prononce toutes les lettres. Nous allons attaquer avec Sean Paul. Jean-Paul, comme on l'appelle ici à la radio, et il will be burning, donc il brûle, tout d'accord, simplement. D'accord, il will be burning. Just give me the deeds and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Call the girls we're poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top of girls we're promoting and supporting, and them lover we're floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it from we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimping as we riding. Y'all them a page, me want to raise me to me writing up tune and drive them crazy. Well, I'm when I two born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass when the air this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, the girl a cruise it, well reputed. Cause we are the girl them champion, got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, not just give me the light and make we blaze it, the roof we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding. Just give me the deeds and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, forget the best girls in every nation. Top of girls we promoting and supporting, and them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimping as we riding. Just give me the deeds and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to mind the teas, we gotta take it slow. Sean Paul avec We Be Burning sur l'antenne. Club VIP. Et le Club VIP, c'est parti, c'est la suite avec son lot de bonne humeur, de surprise. Nous allons retrouver quoi, ma chère Léna, dans les studios là ? On va retrouver le canular. Le canular, on va canulariser quelqu'un. Alors, je crois que c'est un coiffeur en plus que tu veux canulariser aujourd'hui. Tout à fait. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un peu décortiqué la Saint-Sanson. Et qui était oui, Sanson ? Oui, Sanson, c'était donc une figure un peu historique et presque mythologique, puisqu'il tirait sa force des cheveux. Donc il avait des cheveux très longs, Sanson, dans et la mythologie. Tressé, apparemment, c'est ça ? Voilà, il avait des tresses. Et du coup, pour un peu le tuer, finalement, ses ennemis lui ont coupé les cheveux. Oh, ça les m'est revenu. Hein, voilà. Et aujourd'hui, bah, il était naturel, puisque c'est la Saint-Sanson, finalement, la fête des cheveux longs, d'appeler un coiffeur. Bah oui, c'était sympa. Et donc, nous allons tout simplement nous faire passer pour un Sanson qui a les cheveux longs et qui a eu un souci. Voilà. Voilà. On y va ? Tu as un chewing-gum collé dans les cheveux. Au pire que ça. C'est vrai ? Ouais. On y va. Alors, c'est parti, on vérifie la ligne, toujours. C'est le petit rituel. Elle m'a l'air bonne, la ligne. Elle est excellente. Elle est en pleine forme pour le week-end. Ça sonne. Bah heureusement que ça sonne. Sinon ce serait pas un téléphone. Ouais, bonjour. Laurent Sanson. Oui. Voilà, je vous appelle pour quelque chose d'un peu particulier. Moi je suis... Vous me connaissez peut-être, je suis le leader du groupe Cheveux Hurlants. Rien, mais mon gérant doit connaître. Voilà, je suis un hard rocker de métal. Ok. Et pendant le dernier spectacle, mes collègues. En fait, j'ai des cheveux très longs, hein, je suis connu pour ça. Uh-huh. Et un peu frisé. Et puis dans le dernier spectacle, ils m'ont fait une blague, ils ont fait des nœuds en fait. D'accord. Est-ce que vous êtes spécialisé éventuellement pour démêler les cheveux qui ont des nœuds, des doubles nœuds ? Très bonne question, je vais voir ça avec mes coiffeurs, ce que ça peut donner. Il y a des nœuds de bateau aussi. Des nœuds de ? De bateau, c'est des nœuds hyper serrés, je comprends même pas comment ils ont fait ça. Mais... D'accord, ok, bah qu'est-ce que c'est ? Je vais voir. On y va à fond là, Sanson. Sanson est fou. Ah ouais. Carrément eu des nœuds marins. Oui. Oh là là. Ah non, tu dois vraiment voir les cheveux en mêlée. Hein. Comment je vais faire pour mon spectacle ? Bah, tu te rases la tête. Bah ouais, non, ça va pas, moi je suis connu pour les cheveux longs. Ah. Ah ouais, c'est ça le problème. Les cheveux d'un rocker, ça y est, il commence à parler de mon problème. Ah, attends, j'ai écouté. Ah ouais, c'est... Oui, allô ? Oui, bonjour. Ouais, on peut le faire, on peut le faire. Ouais, vous pouvez démêler ? C'est possible. D'accord. Il y a un peu de temps, mais... Ça peut demander du temps, hein, parce que moi, si vous voulez, ils arrivent quasiment au niveau du... comment dirais-je ? Un peu après les mollets, presque. Ah oui, c'est du très très long. Ah bah, je suis connu pour ça, moi. C'est mon fond de commerce, si vous voulez, en quelque sorte. D'accord, ok. Ouais, bah écoutez, quand est-ce que vous voulez venir ? Bah moi, je vais peut-être passer déjà, du coup, pour vous montrer un peu le résultat. Parce que vous allez être un peu surpris, je pense. Ça surprend les gens, hein. Ouais, non, mais bon, bah, si ça demande des heures, bah, je suis prêt à passer des heures, c'est sûr, mais bon, tout ce que je veux, je sais pas me retrouver rasé, hein, si vous voulez, parce que je suis connu quand même pour les cheveux longs. Mmh. Voilà. Non, mais écoutez, je passe et puis on prend rendez-vous, puis vous allez voir un peu le temps que vous risquez de passer. Vous voulez passer aujourd'hui ? Ouais, tout à fait. Bah écoutez, à ce moment-là, si vous pouvez, aux alentours de 14h30, 15h. Moi, je veux pas effrayer les gens, hein, par contre. Non, mais de toute façon... S'il y a un peu moins de monde, ça pourrait m'arranger, parce que là, en ce moment, c'est pas la grande forme. Ok, alors attendez, à ce moment-là... Même s'il y a une petite porte dérobée... Non, il y aura pas de petite porte dérobée, mais... parce que j'ai même un double nœud au-dessus de la tête, si vous voulez. Ouais, non, mais passez, je dis 14h30, 15h, et puis on fait les coiffeurs environ, et on verra à partir de là. D'accord. Quoi. Ils m'ont fait comme un paquet cadeau, tu... Enfin, c'est ça n'importe quoi. Ça. Bon, on fait ça. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ils sont quand même assez aimables. Ils sont gentils. Ouais, hein. Bon, il n'y a pas de porte dérobée, apparemment. Donc tu vas devoir effrayer les clients du salon de coiffure, mais... C'est vrai que quand ils sont sympathiques comme ça, on aurait tendance à vouloir donner le nom, mais on peut pas, c'est la dure loi du canular, faut que ça reste tout à fait anonyme. Mais c'est vrai que des personnes comme ça, sympathiques, ça fait plaisir. Donc et en c'est... fait, comme quoi le vendredi, c'est une journée où les gens peuvent être contents aussi. Bah oui, t'étais en train de dire le vendredi, ça va être n'importe quoi, le canular il marche jamais, on n'est jamais pris au sérieux. Et bah là, tu vois, on si. Est pris au sérieux. Bah à tort, hein, désolé. Nous allons attaquer avec la suite du programme. C'est Papa Apei Lunda Munquillo. Munquito. Mais des fois, les titres comme ça en espagnol, hein. C'est faut, dur. Faut vraiment une vraie espagnole pour le faire, une catalane, hein. Bello muñequito, me di cuenta que significaba algo muy grande para mí. Y se fue así. Tú te llevaste siempre en el lugar en la belleza. Quiero que sepas lo que siento. Me siente mal. Que je vous parle. Entre de toi, mi amor. That's right. Quiero sentir tus movimientos. Yo, mi amor. Allá me, mi amor. All right. Soy tu linda muñequita. Maravillosa, eres lo más lindo de un jardín de rosa. De vida chula, para mí de todas las mujeres tú eres la más bella, la más humilde, la más sencilla. Celui qui m'a ensorcelé depuis le premier jour a conquéri mon cœur, écrit le plus bel amour. Si jamais un jour je coulais, je venais dans cet amour. Amène-moi au virage, et mi vida. J'ai besoin de vous d'être avec toi, mon amour. Mi oro, te adoro, tesoro. Mi princesa, tu te llevaste ese primer lugar en la belleza. Tu as la classe et tu es ravissant. Plus que tout ton monde, rivalité n'existe pas. Tu as de la grâce avec l'intelligence. Ma vie n'est que vide si tu n'es pas là. Un besoin fou d'être avec toi. Tan linda, mi muñequita. Brindo por ti esta copa de vino y aguardiente de tequila. Brindo por ti, mi linda muñequita. Lo que siento, me siente más que je vous parle. Ajá. Bye. Metallica, Love Today. Club VIP. Et le titre exact de ce remix que vous n'en écoutez que sur notre antenne, c'est Moto Blanco. Là, il faut le donner comme ça. Nous allons attaquer avec la suite du programme. C'est Léna dans les studios qui s'y colle. Vous écoutez donc le Club VIP, l'émission estivale qu'il ne faut absolument pas manquer. Qu'allons-nous retrouver prochainement? La météo. La météo marine ou alors la météo des fruits de mer? Bon, on préfère la météo des fruits de mer. J'espère en tout cas que tu vas nous réserver du soleil. On sait que les auditeurs sont toujours très friands de soleil, puisque c'est également souvent des vacanciers. Oui. Et des Pérousiens qui aiment bien le soleil également aussi. Et puis tous ceux qui habitent un peu finalement dans cette belle cité qui prend tout son caractère avec quelques beaux rayons. Je vais le dire comme ça. Et comme ça, on peut aller visiter les 7 îles. Voilà, puisque si vous avez écouté le début de l'émission, dans notre sondage du jour, ça revient en numéro 1 au niveau des choix coup de cœur, en tout cas sur la côte de Granit Rose. Voilà. Pour la musique, choix coup de cœur favorito, People of the... Je te le donne en 1000. Alors, t'as le choix entre People of the Day ou People of the Night. Tu préfères quoi? People of the Night. Oh, wow. Hey, oh. Yeah. Oh, people, let it go. They're trying hard to bend it. To make the bodies blow. Keep on dancing, keep on moving. Come on and let it show. C'était People of the Night avec Fabretto. Tout à fait. Alors pour nous contacter, Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Voilà, ça c'est le numéro SMS. Et donc nous allons attaquer tout de suite avec le Club VIP. Club VIP. Et la nous météo sommes des avec Léna. Et puis on va retrouver la météo des fruits de mer. Et je t'ai réservé le jungle, c'est comme vrai. On dit. Ah ouais. C'est mon premier jungle de fruits de mer. Tu l'as jamais entendu? Non. C'est vrai? C'est vrai. Bon, c'est incroyable ça. On fait des jingles à la radio et tu les entends pas. T'es prête? Vas-y. Non mais l'instant est solennel. Oh, mais j'attends avec impatience. Les auditeurs vas-y. Se demandent quel est le jungle de la météo des fruits de mer. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Ah, ah si, il est bien. Hein. Alors, la météo aujourd'hui, le ciel sera voilé, mais le soleil sera là. Donc, il y aura un peu de vent et les températures iront de 15 à 20 degrés pour cet après-midi. C'est bien. Alors, pour le week-end peut-être? Ouais. Samedi, en fait, il y aura le même temps qu'aujourd'hui. Et dimanche, ce sera encore plus ensoleillé, normalement, avec 25... degrés au maximum. On n'a jamais fait ça. 25 degrés. Bah oui, au soleil, 25 degrés. Après, la température ambiante, ça sera de 21 degrés. D'accord, mais ça va, c'est ça bien. Ça va. C'est honnête. Pour se dorer honnête. La pilule, je trouve ça pas mal. D'accord. Ça, c'est des bonnes petites expressions, se dorer la pilule. Faites attention à pas la griller, parce qu'une pilule grillée égale... Bah, catastrophe assurée. Ah, c'est clair. Shakira featuring Beyoncé, ça s'appelle Beautiful Liar. Let's not kill the drama. Let's not start. Shakira featuring Beyoncé, Beautiful Liar sur l'antenne. Club VIP. Le Club VIP, c'est la suite et nous attaquons de suite avec notre chronique sportive. Attention, il va se mettre en place sur le micro 2. Allez, en 2 secondes 38 centièmes, c'est quasiment le temps de hier. Je crois que tu l'as amélioré d'une centième de seconde. C'est bien notre chroniqueur sportif. Il est de plus en plus rapide à se placer au micro. Bravo, on peut l'applaudir dans le studio. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, moi je dis bravo. Donc, que s'est-il passé au niveau sportif? On va commencer par le foot. On va dire que on va faire une petite info puisque la Ligue 2 reprend ce soir à 20h. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est le gros truc. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont amateurs de la Ligue 2 ou qui ont leur équipe favorite en Ligue 2, c'est toujours important. La Ligue 1, elle, reprend le 4 août, donc c'est-à-dire dans une semaine pile poil. Ouais. Voilà. Ensuite, pour les transferts, juste pour dire que Simao, l'international portugais de 27 ans de Benfica a signé à l'Atlético Madrid pour 20 millions d'euros et pour un contrat de 4 ans. Toujours dans le football, le trophée des champions qui opposera Lyon à Sochaux aura lieu samedi. Ouais. Ensuite en Formule 1, on va peut-être retrouver un Français dans les paddocks, à savoir Sébastien Bourdais, qui pourrait venir en Formule 1 dans l'écurie Toro Rosso. Bien. Et savoir qu'il est triple champion de Champ Car, donc aux États-Unis. Et qui pourrait prendre le volant dès le Grand Prix d'Italie. D'accord, donc ça pourrait être une future petite vedette française. Exactement. En tennis, Gilles Simon défie aujourd'hui Guillermo Cañas, tournoi de Umag. Et il pourra essayer de tenter de se hisser en demi-finale. À savoir aussi que dans le même tournoi, il va y avoir un duel au sommet entre Carlos Moya et David Ferrer. Donc un duel 100% espagnol qui promet un très très beau match. Et pour finir en cyclisme, 18e étape aujourd'hui entre Cahors et Angoulême. Alberto Contador est toujours en maillot jaune devant Cadel Evans et Lévis Palmer. Ah oui quand même. Et oui. Ah oui parce que il est pas mauvais ce Palmer en plus. Donc nous allons... C'est bien ça? C'est les Palmer. Les Palmer, ouais. Les Palmer, ouais. Ouais, tout à fait. Chaque fois, il fait le coup. Donc, merci Thomas, en tout cas, pour ces explications sportives qui ont bien réjoui les amateurs du ballon, les amateurs de la balle jaune et les amateurs de Formule 1. Merci en tout cas à toi. Puis on te retrouve, bien sûr, tout au long de la semaine pour d'autres actualités sportives. Mélissa, featuring Akhenaton avec Tout Mon Amour. Tous les jours je sens des regards prêts à me juger un peu partout. Et je monte le sang dans mon casque pour les ignorer. Ça les rend fous. Comme les autres, j'accélère le pas juste pour aller au taf et c'est tout. Sans savoir si je dois me battre et pourquoi lutter si ça les rend fous. Traîner dans la boue, nos efforts ainsi ravagés, nos rêves envolés, croulés sous les coups. Combien de temps devra-t-on encore pleurer, patienter, tendre l'autre jour, respecter les mots les plus forts, redoubler d'efforts autour qui nous joue. Sur cette tête, tout mon amour. Et si la route est un vrai serment, je veux. j'aurais pu laisser la colère guider mes sens, parler d'école, sprayer à l'essence. Tire de toutes parts, j'ai la rage depuis la naissance. Puis laisser de croire qu'on est en convalescence. Mais je vais au-delà des images, leur cliché a fait si mal que partout ils croient qu'il y a du C4 au bras des imams. Amer parce qu'on nous a dit ferme qu'on était de la merde. Bon gré mal gré, dans la voie qu'a tracé ma mère. Genre pas de la cervelle à Jupiter, mais du cul de Lucifer où les cœurs gerbent au fond d'un bar jupilaire. Depuis tout petit, on rêve de faire la harba. Trace nos plans entre les taches de gras dans les snack bars. Trafic pas de sac d'armes, juste clame notre part. Zarkawi, rien à foutre, vive la roulette à l'Agdar. Je n'ai qu'un but, traiter les personnes que je vois chaque jour avec tout mon amour. Je sais que c'est possible. Et pour ça je prie le soir. Tracé, profil qui ne correspondent pas. Penser ainsi, c'est la peur qui suit nos pas. Et tout ça, profil pas à nos cœurs en tout cas. Pour pouvoir avancer. Mélissa, avec tout mon amour, c'est sur l'antenne d'Estival et j'espère vous passer un agréable moment en notre compagnie Jack Lena qui vous accueille dans le club VIP. Rien que ça, rien que du bonheur sur l'antenne et ça fait plaisir tout simplement. Et il faut venir. Hein. Ah oui, il faut venir, hein, n'hésitez c'est pas. C'est super, il y a une bonne ambiance. Yeah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il y a une bonne ambiance. Nous allons attaquer avec la suite et ça va être le journal de la rédaction. Ça y est, les dépêches sont arrivées. Attends. Ah oui, voilà. Ah, la dépêche est là, chers auditeurs, vous venez d'entendre le bruit d'une dépêche tombée. Et la dépêche qui tombe fait... Et une deuxième, c'est pas possible. Deux. Bah, parce qu'on en a deux, c'est pour ça. Et voici le journal de la rédaction, le rappel. Journal d'Estival. Le journal d'Estival. Au sommaire de ce journal, des astronautes en fâcheuse posture, un petit chat qui lit l'avenir. Attention. Le petit chat n'est pas mort, mais il sait qui va mourir. Le petit chat est âgé de 2 ans. Il n'est pas noir, mais tigré et blanc. Il a été adopté par le personnel d'une unité de soins gériatriques à New York. Il a aussitôt révélé une tendance plutôt morbide à déceler quel patient serait le prochain à s'éteindre. Selon le gériatre de l'hôpital, Oscar, c'est le chat, fait des rondes régulières, renifle les patients. Ses prévisions se sont révélées jusqu'à présent très exactes. Oui. Et tu voulais peut-être rajouter un petit mot. Oui, rajouter un petit mot. Donc en fait, le chat se met à côté du patient et vous avez les infirmières, infirmiers et docteurs qui paniquent parce que c'est le moment où le chat décide que la personne meurt en fait. Il décide un peu parce que franchement, il est en train d'errer dans les couloirs non, et puis il dit tiens, celui-là, il sent la mort, je vais aller voilà, le voir. Ça. Non mais c'est une dépêche. C'est pas lui qui provoque. Non, il la sent. C'est le flair, le septième sens du chat. Washington, des astronautes américains ont été autorisés à effectuer des missions spatiales alors qu'ils étaient en état d'ivresse. L'enquête interne de la NASA a indiqué avoir révélé une consommation importante chez les astronautes, mais l'agence spatiale américaine n'a pas fait de commentaires. Et tu voulais rajouter un complément d'information également à cette news. C'est vrai, oui, que l'alcool, il faut le boire avec modération. Et que l'état d'Everest n'est pas forcément le meilleur état. Et qu'en plus, apparemment, ils auraient posé un satellite à l'envers. Ah oui, ça, c'était marrant. Parce qu'en fait, dans la même semaine, il y a eu une autre dépêche dont un satellite a eu quelques problèmes techniques. Et en fait, apparemment, la NASA a fait le lien. Ouais. Et ce serait cette même équipe qui aurait réparé en fait le satellite, mais l'aurait volontairement cassé, apparemment. Parce qu'ils étaient trop éméchés. Bah, comme on l'a dit aussi, et je crois que les phénomènes spatiaux sont assez fluctuant. Il se peut très bien même qu'un simple parfum puisse provoquer des vapeurs telles que on soit dans un état d'ivresse. Et ça qui est impressionnant dans l'espace, c'est que tout est un peu changé avec la pesanteur. Voilà un peu pour ces news insolites et très, très lointaines finalement. Oui. Pour la musique, je vous propose Passy électrique et on va faire avant un petit point du côté du programme Estival Cap Armor avec ses informations sportives et culturelles. Alors, pour cet après-midi, alors on est vendredi, donc vous avez des œufs décoratifs de 14h à 16h, un tournoi de volley à la plage de Saint-Guirec de 14h à 16h aussi. Pour ce soir, c'est la balade sur l'Argentilaise de 17h à 19h30. Et pour finir, du tennis de table de 17h à 19h. Pour votre week-end, donc samedi, vous avez une chasse au trésor de 14h30 à 17h. Vous avez le skate contest donc de 14h à 20h. Et pour la soirée, c'est tournoi de badminton à Kerabram de 18h à 21h. Et pour dimanche, vous avez dimanche après-midi à Trestraou un tournoi de volley de 14h à 17h. Merci beaucoup pour tout ce complément d'informations bien important. On va rappeler Destination Bien-être aussi, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Rappelons quand même Destination Bien-être, c'est important. Aujourd'hui, c'est bien commencer la journée par un petit déjeuner. Donc, il vous donne en fait des bonnes raisons pour petit déjeuner le matin. Pour samedi, le tabac, c'est pas pour moi. Donc, c'est une journée vous expliquant en fait ce que contient la fumée de tabac et tout ce qui est néfaste en fait pour la santé. Et pour dimanche, c'est la réalisation de bracelets de perles colorées. Donc, ça annonce bien un dimanche ensoleillé. Des perles colorées, ça fait un beau week-end. Sympatoche. Il paraît qu'avec le cannabis, on se sent super bien. C'était un après-midi. On avait fumé quoi, 2 joints. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis sentie d'un seul coup vraiment mal, j'avais chaud, le cœur qui battait vraiment vite, des tremblements, je me sentais oppressée, je m'attendais pas à ça vu ce que j'avais fumé. Malaise, angoisse, bad trip, le cannabis est une réalité. Appelez Écoute Cannabis au 0811 91 20 20 de 8h à 20h. Coût d'une communication locale depuis un poste fixe. Festival FM, ça pulse. Pulse. Festival. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. I said the hip hop, you don't stop and pump it up. À l'époque c'était Smurf, Break et Hop Rock. Dans les halls fat lassés, les chaînes en toc. Sur 23 bandes, ma bande, mon 95, mon bloc. On écoutait Bambata, Big Daddy Ken, elle est Luton Lock. Les tags, les toys, les graphes et les flops. Soirée hip hop à la coupole, Sydney était au top. Animé par le jeune Cut Killa, Lionel D, Dynasty. Actual Force, Hazorback, le break, le défi. 87, Styler, Modas, Tommy B. T.A.B, B-Boys, forme le Hammer, Posse. Fan de P.E., N.W.A, Ultramagnetic, M6. Après Johnny Go, on prend le micro et on crache nos vies. Bang bang, sur un truc de Boogie Down Production. Les premières rimes sur le beat. And me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. Say what? I said the hip hop, you don't stop and pump it up. Hip hop music, life is good, not like this. I said the hip hop, you don't stop, I see your top. Hip hop music, Conte gangrène, aujourd'hui le rap est nargant. C'est clash sale, c'est slam, c'est brut élégant. 50 Snoop ou Pharrell, on a pareil, on a nos clans. C'est l'espace-temps, tous les rappeurs veulent le cinquième élément. La gagne, le classique shit, la classe eux le shit. Mec éloquent depuis 20 ans, j'ai les putains de titres. Garde les gants, faut les bêtes de clips qui vont avec. 2007 est plus volant, elle est trop fière, arrogant. I say one for the trouble, two for the time. Come on guys, let's rock that. Pilier dans ce rap français, fier car je viens d'en bas hip-hop. Ma vie, mes racines, Abdoulaye et Tanda. Sexy chocolate girl, come and work your body. Work your body. Show us what you got. We need to know it's gonna party. Let's go party. What? Sexy foxy, come on, spot, make it free. Move to the gangster boogie. Dans le futur, qui sera roi ou Iran, move qui sera MCMVP, street credibility. En tout cas, moi j'accélérerai toujours à l'appui du groove jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, non que la mer s'ouvre. Après le crunk, y'aura quoi? Le brunk qui contrôlera le hip hop, d'un gang de fils de punk. Est-ce qu'on dira toujours Zulu Bounou? Voyons nos styles chez nous. Est-ce que le boogie boogie aura toujours le goût chez nous? Le Club VIP, la suite, c'était pas si électrique sur l'antenne. Vous êtes en compagnie de Léna et Jack pour le meilleur de la musique avec plein de titres à venir. Vous aurez Carter, Terre et Tyrone d'ici quelques instants avec Juste pour le week-end qui viendra et pas mal d'autres petites surprises musicales. Mais avant, il est temps, Léna, de nous annoncer un peu la suite. Que va-t-on retrouver? C'est la question que je te retourne. Mais que va-t-on retrouver? Je crois que le Dance Machine du jour. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un Dance Machine que je farfouille dans mes vieux CD et dans mes cassettes, parce que hier il y a eu une cassette aussi. Ah oui, on a laissé une cassette qui était humide et qui faisait un bruit. Oh, mais attends, c'était excellent de se retrouver ces cassettes dans le fond de mon tiroir. On se serait cru dans une 4L dans les années 60. Ouais, c'était sympa. Donc je retrouve des tubes de Dance Machine des années 90. Donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, ça sera les 740 Boys. Ah, Chimie Shake, tout ça, c'est énorme. C'est à venir dans la programmation. Restez là, hein, quand même. Il y a également la place de ciné à faire gagner. On fait gagner une place de ciné pour Riche d'huîtres, hein. C'est bien ça. T'aimes bien notre partenaire, c'est qui alors? Un petit coup de pub quand même, parce qu'ils sont extrêmement bien fournis en titres. Alors, c'est le partenaire. Bah, les Paladins. Bah oui, de Perros Guirec, et de Lannion, et de Guingamp. Exactement. Mais faut le dire. Bah oui. Vous pouvez retrouver d'ailleurs chaque jour l'actu ciné de James qui vous fait le point sur le programme. Pour la musique, Tyrone Carter, Juste pour le week-end. Tu fais quoi toi, Juste pour le week-end? Je sais pas encore. Ouais. Comment ça se tasse? Dès le lundi, stop chrono, plein de promos. J'esquive les paparazzi, j'bouge solo, tu peux me faire chaud avec MP. En pleine tournée, dans l'humeur à Djibril. En pleine journée, avec une lady en fin de semaine. J'appelle mon équipe phénomène, prêt pour un nouveau week-end. Et les gens se promet, on est sorti, on vient contrôler. Et de fiesta, fiesta, on ne joue pas les restas, on est dans le Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Salut, c'est Lucie, retrouvée sur Estival Amel Bent avec Nouveau Français. Casé dans des cases, fiché sur des fiches, au discours de base et front sur l'affiche. Même si on en a marre, sans juger personne, y'a qu'à seulement voir les clichés qu'on donne. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce pays? Moi je viens bien de quelque part, mais je suis ici. Qu'on a la chance d'être là, faut pas qu'on l'oublie. Je viens bien d'un endroit, mais je suis ici. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce instant, c'était tout simplement Nouveau Français à Melbourne sur l'antenne d'Estival. Bien sûr, vous écoutez le Club VIP avec son lot de surprises, son lot de bonne humeur. Léna dans les studios, Jack moi-même pour vous accompagner, pour vous offrir effectivement un programme, ma foi, fort condensé, fort sympathique. N'est-ce pas Léna? Oui. Alors, as-tu récupéré mon petit dance machine? Alors voilà, on va retrouver une chronique d'ici très peu de temps. Alors, je vais juste regarder si ça a bien chauffé parce qu'on va dans les années 90. Sinon, pendant ce temps, je peux te faire mon relax réflexe si t'as envie. Oui, En fait, je n'osais pas te le demander. C'est vrai, mais j'arrive plus à me maquiller en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas, et je me suis laissé entendre dire à la radio que toi, Léna, oui, tu savais comment rendre les filles plus jolies et en puis les garçons minutes plus sympathiques. Voilà, alors en l'occurrence, ça va concerner spécialement les filles aujourd'hui. Oui. Donc spécialement les jeunes demoiselles et puis toutes oui, les femmes toutes en général. Comme disait Julien Clerc, femme, je vous aime. Et toi, c'est un petit peu ce que tu vas leur offrir, c'est une leçon pour se faire aimer encore plus et être encore plus en beauté. En quoi cela consiste-t-il ? À se maquiller en 5 minutes. Ah là là, c'est long 5 minutes ou... Ça va 5 minutes. Ça va, c'est le conseil relax réflexe. Alors aujourd'hui, donc se maquiller en 5 minutes, il faut tout d'abord nettoyer correctement sa peau et l'hydrater en fait avant de procéder au maquillage parce que c'est très très important. Donc la première étape, c'est de poser l'anti-cerne puis de tapoter avec le doigt pour bien le faire pénétrer. Après en fait, le petit conseil plus, c'est de rajouter une base de fard à paupières neutre. Bien sûr. Oui. Neutre. Oui, neutre en fait. Dessus pour qu'en fait l'anticerne tienne mieux en fait. Après en fait, la deuxième étape, c'est le teint. Donc il faut choisir une poudre libre claire pour l'été qu'on applique en fait à l'aide d'un gros pinceau. C'est important en fait de prendre une poudre claire pour l'été parce que le fond de teint liquide... C'est liquide quoi. C'est liquide et c'est plutôt pour l'hiver. Donc il faut commencer par les parties médianes du visage, donc le nez, le front, le menton et les joues. Ensuite, pour ajouter une touche d'éclat, il faut terminer votre teint par une touche de poudre de terre de soleil. En fait, ça arrondit le modelé des joues. Et c'est super joli, ça donne des effets au visage. Mais ça se voit sur toi, tu sais. L'étape 3, c'est les yeux. Donc, il faut éclaircir le regard en appliquant un fard à crème, donc généralement nacré, qui captera la lumière sur l'ensemble de l'œil. Ensuite, à l'aide d'un fard à paupières foncé, donc marron par exemple, on peut remplir le cœur. Il faut remplir le cœur de la paupière pour terminer avec le doigt. Un peu de mascara. Pour la quatrième étape, c'est les lèvres et votre rouge à lèvres. En fait, vous pouvez l'utiliser, vous rajoutez juste une touche de gloss transparent. Et là, vous avez fait un effet glamour assuré. Si vous pincez les lèvres, celles du bas et celles du haut, vous avez les lèvres rouges oui, sans utiliser de rouge à lèvres. C'est incroyable. Oui, tu as lu ça l'autre fois. J'étais en train de faire un relax réflexe et Jack a vu qu'il fallait se pincer la lèvre pendant 30 secondes pour avoir les lèvres rouges. Mais c'est normal. Mais c'est vrai que tu as de très belles lèvres rouges maintenant. Je ne peux plus parler si je me pince les lèvres. Donc... C'est sûr, c'est un peu dur. Par contre, il y a les traces dedans. Alors après, c'est bon, faut choisir. Hein. Soit vous voulez des lèvres blanches et ternes. Mais non, il n'y a pas de traces dedans, c'est que t'as trop serré. Il faut pas non plus manger ta lèvre. Il faut juste la pincer pour que ça devienne. Ah, mais je comprends en fait. Faut arriver jusqu'au sang pour mais que non, ça s'étale sur la lèvre. Non, ça c'est le mauvais conseil de Jack. Hein. Pas bien, faut pas faire. Mais non, faut juste pinceauter. Mais non, mais là t'es en train de tout rater mon relax réflexe. T'es pas bien gentil. Mais c'est pour plaisanter, pour chamailler, mais comme oui, on aime bien sur l'antenne, tu sais bien. Mais faut préciser effectivement aux auditeurs les plus jeunes, les moins avertis, que faut pas non plus faire n'importe quoi avec ces relax réflexes, qui sont quand même des bons conseils et que je vérifie quand même moi-même. Ah, je vais te maquiller pour ce week-end, ça va être sympa. Un côté recette de grand-mère et un côté également recette sérieuse quand même. Nous allons attaquer avec le Dance Machine du jour. Alors, c'est tout simplement plonger dans les archives des années 90 pour vous refaire revivre le plus beau revival qu'on a pu vous trouver. Et là, j'avoue que le titre que tu nous as trouvé, bah, moi, je l'aime plutôt pas mal. C'est quoi le titre déjà ? Parce qu'en fait, j'ai le... Chimichek. C'est vrai ? C'est Chimichek. J'ai pris Chimichek. Bah, je pense à Chimichek. Ah, c'est leur premier single. Ouais. Ouais. Bon, on va voir, hein, c'est peut-être pas celui-là que t'as pris. Si, si. En tout cas, retenez bien le nom du groupe dont Léna va vous parler, puisque ça va vous permettre de gagner une place de cinéma et également une bourriche d'huîtres. Voilà, tout simplement. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Ah oui ? Ah c'est bon, on y va. Donc c'est les 740 Boys, je sais pas si vous en souvenez. Donc c'est un duo musical créé en 91 et composé de Winston Rosa et de Doze Material. Ouais, il est sympa lui. Ouais, c'est deux producteurs d'origine dominicaine. Et en fait, Rosa a travaillé avec plusieurs chanteurs dont Shaggy. Tu te souviens, Was On Me ? Ouais, It Was On Me. Donc leur premier single c'est Chimichek et ils rencontrent beaucoup de succès en France tandis que les classements britanniques et allemands en fait leur pas un bon accueil, ils boudent un peu. Hein. Ah ouais ? Ouais, ils aiment pas trop. Quelques mois plus tard, en fait, ils ont ressorti un autre titre, c'est Bum Bum. Je crois que je l'ai vu, mais je l'ai pas mis. C'est bientôt Bum Bum, d'accord. Voilà, okay. Il sort à son tour et culmine à la 14e place en France. D'accord, combien ? 14e place en France. C'est pas mieux. Non, mais c'est déjà pas mal. Hein. J'ai l'impression que ça avait été joué partout en France et que les postes de radio ne diffusaient plus que du 740 Boys. Non, maintenant on va écouter Chimmy Shake, un extrait. Excellent. Et puis retenez bien le numéro SMS parce que grâce à ta chronique, les auditeurs peuvent peut-être gagner, les plus rapides en tout cas, les plus alertes sur leur texto, une bourriche d'huile plus une place de cinéma offerte par nos partenaires les baladins à Pérouse Guirec qu'on salue très fort. Allez, c'est Chimmy Shake, c'est le titre Revival. Hey, c'est parti. C'est la version live ? Oui, c'est la version live, pardon. Tiré du Dance Machine ? Oui. Waouh. De ma cassette. Ah, toujours sur cassette, hein. C'est toujours ma cassette. Ouais, je reconnais. On l'entend en fond. Oui, c'est ça. On dirait que t'as pris un magnétophone que tu l'as enregistré dans la foule. C'est les cassettes, hein, c'est comme ça, hein, c'est à l'époque. Vous laisse... Je me souviens, c'est quand on avait le Dance Machine et qu'on regardait ça à la télé et que t'enregistrais ça à la radio, des trucs comme ça. Énorme. C'était super. Écoutez, au fond là, le son rend bien. Les basses, parfait. Dès qu'il arrive au refrain, vous allez voir, vous allez reconnaître. Tu reconnais pas ? Bah là, je suis en questionnement, mais dès qu'on va voir le refrain, plus de soucis. Prête ? T'es prête ? C'est là. Tu connais pas ? Je suis pas fan des Dance Machine. Mais si, mais j'adorais ça. En tout cas, vous le voyez pas dans les studios, mais Léna connaît la chorégraphie. Tu peux me refaire un Johan? Non, tu veux plus. Ok, c'était 740 Boys qui était donc l'extrait tiré du Dance Machine original avec le son original et tout ça sur votre radio qui est Estivale, et la radio originale quand même. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas pour ce Dance Machine du jour. Allez, on va jouer immédiatement car je vois que l'heure tourne. Le club VIP. Et qu'il est grand temps de jouer au Sun Game. Et je vais vous poser une question toute simple. Après l'indicatif. Un numéro de SMS 06 122 69 18 19. Voilà, 06 122 69 18 19. Si vous avez bien été attentif à la chronique qui vient d'être diffusée en direct. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Vous allez avoir des cadeaux plein la radio. Alors attention, combien étaient les boys qui chantaient Chimmy Shake? Ils étaient un certain nombre. Les 740 boys, c'est ça? Non, le combien ils étaient composés? Le groupe était composé de personnes. Voilà, il y avait combien de personnes qui composaient le groupe? Bien sûr, ils étaient 740 boys en tout. Mais le véritable chiffre, parce qu'il y a, plusieurs personnes, et tu sais, il y a le DJ, etc. Ils étaient combien dans le groupe des 740 boys? Ils n'étaient pas 740. Non. Mais ils étaient un autre chiffre. Vous avez cet autre chiffre. Vous nous envoyez un texto au 0622 69 18 19 et vous repartez avec la bourriche et la place de cinéma. Tout simplement. Combien étaient les 740 boys en vrai dans leur groupe? Ils n'étaient pas 740, ils étaient un autre chiffre. Vous l'avez, 0622 69 18 19. Et je dois dire que Léna, vous êtes bien dans le studio parce qu'elle fait le chiffre sur ses doigts. Donc ça tient quand même sur les doigts d'une main. Hein, on peut dire ça. Donc vous avez le choix entre 1 ou 5. C'est comme les Twix. Eh ouais. C'était le club VIP. Merci de l'avoir écouté. Merci pour eux. Club VIP. Donc on vous dit au revoir, n'hésitez pas à vous lâcher sur les textos, c'est les premiers arrivés qui remportent tout simplement la bourriche et la place de cinéma. Donc on y va, 0622 69 18 19, nous on vous dit à lundi prochain. Bye bye. Bye bye. come over. I just wanna hold you.